Tu vas retourner au pays. Oui, ce tu la verras, eh bien, tu lui diras que son fils l'aime et la vénère, et qu'il se reprend qu'aujourd'hui, il veut que la basse mère soit contente. Souvenir d'autrefois, nos souvenirs.